Chapitre 27 À Courtenay. Geneviève, marquise de La Roche-Cléry et châtelaine de Courtenay, était la dernière descendante des ducs de ce nom. Elle vivait, indifférente, étrangère et hostile à ce siècle, dans un isolement farouche. Toute sa fortune se composait de son château, qu'elle ne faisait même plus réparer, et de maigres revenus avec lesquels elle pouvait encore tenir son rang, ce qui lui était d'autant plus aisé qu'elle ne recevait personne. Le faubourg Saint-Germain avait oublié cette vieille relique ancestrale qui achevait de se momifier et de se confier en dévotion à Courtenay, Présence, sur les confins de la Bourgogne. Geneviève, intransigeante et rigoriste comme les vieilles toupies de sa caste, n'était pourtant pas une méchante femme au fond. Elle donnait au curé, pour les pauvres, sans même exclure ses canailles de républicains, tant elle méprisait uniformément toute l'espèce abandonnée de Dieu qui vivait en même temps qu'elle. Le monde n'était-il pas fini depuis que le trône avait croulé et que l'autel menaçait ruine? Non, il ne restait plus rien à espérer que la mort et le paradis au bout, car Satan et ses suppôts pouvaient fouiller dans l'austère et chaste existence de la bonne vieille fille, ils ne trouveraient pas ça. Elle vivait dans la paix de son âme et la grâce de Dieu. Son curé, un gros fieffé paillard doublé de brave et honnête ivrogne, le lui certifiait à chaque fois au confessionnal, lui donnant invariablement l'absolution sans pénitence. « Mon père, lui jurait-elle, j'ai péché !» Lui se récriait, sans plus rien vouloir entendre. « Non, ma chère fille, allez, et que le Seigneur vous garde toujours, ainsi que la Vierge. » On juge comment la vieille marquise reçut la nouvelle du mariage de son neveu, le dernier des charmeuses, avec la fille d'un financier, d'un homme de bourse, d'un agioteur qui s'appelait Bonnaire. Bonnaire. Mais c'était à faire rayer Roger du Gotha. Quelle honte, quel tare! Le comte de Charmeuse avait absolument ruiné sa tante, et nous venons de le dire, elle était réduite à la portion congrue, presque incongrue. Eh bien, elle ne lui avait fait que des observations légères et parfois malicieuses, jamais de reproches sérieux ni de mercurial. Enchantée de voir son grand seigneur de neveu s'amuser en vers galant, comme au bon vieux temps. C'était racial, cela, la bonne heure. Impitoyable pour elle-même, elle était d'une indulgence sans borne pour ce cher Roger qui jetait sa gourme, un peu plus que de raison. C'était de son monde, de son âge. Et nul doute qu'il ne finit par subjuguer quelque jolie et aimable duchesse, car, avec sa prestance et ses succès auprès des belles, il ne pouvait choisir plus bas. Et, par avance, elle adorait sa bru et gâtait les chers petits anges qui descendraient du ciel blasonnés et resplendissants de leur aristocratique amour pour son plus suave bonheur. Adrienne Bonnaire. Horreur! Jamais elle ne recevrait cela, même elle ne voulut plus voir Roger. Cette dernière décision lui coûta beaucoup. Elle était trop fière pour en laisser rien paraître, même devant Valentine Clément, sa demoiselle de compagnie, qui allait bientôt la quitter à son tour, prise de mal de Paris. Mais le soir, enfermée dans sa vieille chambre virginale et moisie, aux grands portraits, aux bustes graves, aux meubles rococo et aux murailles hautes, eh bien, le soir, Geneviève de La Roche-Cléry, marquise de Courtenay, s'agenouillait sur son prie-Dieu et pleurait dans ses pauvres mains sèches et tremblantes. Elle pleurait, longuement. Et quand, bien tard dans la nuit, elle fermait les yeux en disant sa dernière prière, après le nom du Père, du Christ mort sur la croix et de la céleste colombe, c'était celui de Roger qui revenait sur les lèvres balbutiantes d'humaine et sainte tendresse, quoi qu'elle pût dire et faire pour tromper les autres et s'illusionner elle-même. « Car tu reprends toujours tes droits dans le cœur tendre et béni d'une femme, ô nature. Pauvre et bonne Geneviève, le jour elle luttait, la nuit elle pleurait, toujours elle souffrait. Vaincue? Non pas. Et l'orgueil de caste, le préjugé atavique ancré dans sa cervelle obstinée, jamais. Le départ de Valentine porta le dernier coup à la vieille demoiselle. L'ingrate, pensa-t-elle, moi qui l'aimais comme ma fille, Dieu me pardonne. Dieu lui pardonna, et elle aussi. Après tout, finit-elle par se dire, cet enfant veut vivre, puisse-t-elle rencontrer le bonheur qu'elle mérite? C'est son droit de m'abandonner et d'épouser qui elle aimera et voudra. Elle n'a point de rang à sauvegarder, elle. Mais Roger, oh mon Dieu, mon Dieu! Elle ne lui avait plus donné signe de vie depuis cet affreux mariage bourgeois et roturier. Bonheur. Bonheur. Jamais elle ne digérerait cela, encore qu'elle ignorât heureusement le fond des choses. Elle en serait morte de honte. De charmeuse faire cela, oh fille! Mais jeunette et gentille nature, la divine sournoise, réservait encore à la noble damoiselle Geneviève un de ces coups droits en plein cœur auxquels on ne résiste point, fût-on marquise ou paysanne. Un beau jour, en parcourant distraitement la Gazette de France, du haut de ses lunettes, elle lut, relut et épela ceci. Naissance bénie par notre très Saint-Père le Pape. Monsieur le Comte et Madame la Comtesse de Charmeuse viennent, au lendemain d'un grand bonheur, la naissance de leur fille Geneviève, d'avoir l'insigne honneur de recevoir la bénédiction de sa sainteté. Monseigneur, archevêque de Paris, tiendra, c'est officiel, l'heureuse Geneviève sur les fonts baptismaux. Et cette note suivait. Rappelons que l'union de ces époux privilégiés avait déjà été consacrée, par haute faveur, à la chapelle de la rue de Vaugirard par son excellence le nonce apostolique. C'est donc avec un respect plein de sainte admiration que nous adressons nos vœux les plus ardents à la noble famille de Charmeuse et à sa postérité. L'idée que les écus du père Bonheur avaient dû furieusement danser ne vint pas une seconde à l'esprit affolé de la pauvre marquise. Elle avait une petite nièce, une de Charmeuse. Cette délicate et adorable pensée venait de Roger. Et le nonce du pape, le pape lui-même. Oh, c'était à devenir folle, à tout oublier et pardonner. Sauf pourtant cette intruse, cette bourgeoise. La fille a bon air.